joue avec l'espace et le temps comme un chien fou. Je me fous bien du lieu et de l'heure, je vous l'avoue. Mon regard et mes yeux font le tour de la planète. Comme mes mains mélangent les couleurs de ma palette. M'emporte à Singapour, un peu partout. Je vais à New York, à Vancouver, à Tombouctou. Je sens vibrer les tambours battants, du sang dans ma tête. Pendant que s'assemblent les couleurs de ma palette. Ferme les yeux, écoute bien. Grise, bleue, la frette des guitares. Une ombre perdue de mains inassouvies se pose à vide et rude sur les doigts de l'acre. Caresse les reflets comme lointain soupir d'un ciel où percera un soleil transparent. Les tambours, les doigts calés, rugueux couteaux de son toile de peau. Travail de la matière à pleine main malaxée, le clavier noir et blanc, confondu les arpèges en primordiale teinte, agrippe les pigments, la terre y colle encore. Et l'eau, le vent, le feu des secrets alchimistes laisse chanter sa gamme à l'oiseau vagabond qui reviendra bientôt, porteur du monde d'or. Grise, bleue, la frette des guitares, et c'est en pour toi le poudre. Sur la lague profonde, aux cordes de la soie, passe le rouge électrique, aux cris qui se déchirent. Et toujours les tambours, les mains, les doigts, les peaux, vert olive, la foire, la guitare à trois cordes. Je sais pourquoi le son brûle encore au fond de mes yeux fermés. C'est l'écho des touches de hasard de vos pinceaux affamés. La fibre est imprégnée jusqu'au cœur, synesthétique.